sentir le vent sur la peau. Savoir, ne plus savoir pourquoi être tard. Marcher en haut, en bas à la pluie qui gouverne nos sensations difformes à la vigueur de l'orage. Au torrent, à la noirceur du jour, à la clarté des ombres, rien pour ne pas mourir, sanctionner l'amour, tirer les rêves errants. Faire bander les vieux, faire bander les gens. Ah, que t'es conne. Ah, que t'es conne. Faire bander les vieux, faire bander les gens. À poster ton cul sur les écrans. Ah, que t'es conne. Ah, que t'es conne.